la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On le sait, tout producteur, tout diffuseur a l'obligation de déposer un exemplaire de l'œuvre, du document mis à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale. Cela s'appelle le dépôt légal, dont on attribue la paternité, dans notre pays, à François Ier par une loi de 1537. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tout ce qui se lit, se voit et s'entend est archivé et conservé. Le cinéma au CNC, la radio et la télévision à l'INA, les livres, les périodiques à la BNF, avec les enregistrements sonores, les vidéos, les documents multimédia dans son département de l'audiovisuel, né en 1977 de la Phonothèque nationale. Musicologue, longtemps directeur musical du Festival d'Avignon, Guy Erismann fit toute sa carrière à Radio France et fut le créateur du programme musical de notre chaîne. En 1964, dans Magie et vérité des sons, il proposait sur France Culture une grande enquête en 12 épisodes consacrée à l'art et l'usage de l'enregistrement sonore, dont le premier volet s'intéressait à la Phonothèque nationale. Répondant à ces questions, Roger Descolognes, qui en était alors le directeur, éclairait les auditeurs sur l'histoire de cette phonothèque, du dépôt légal des enregistrements, et présentait les appareils et les documents conservés par le musée de la parole et par celui du phonographe. Magie et vérité des sons, la Phonothèque nationale, une émission diffusée la première fois le 21 juillet 1964 sur France Culture. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erismann sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Pour cette première émission et en ce début d'enquête, il m'a semblé logique de me rendre à la Phonothèque nationale pour enquêter sur l'origine et l'existence légale de l'enregistrement sonore et en particulier du disque. La Phonothèque nationale est située à Paris, 19 rue des Bernardins, et elle est dirigée par M. Roger Descolognes, à qui j'ai rendu visite. Roger Descolognes, vous êtes directeur de la Phonothèque nationale. Et c'est donc vous qui êtes responsable du dépôt légal. Je suis persuadé que beaucoup de nos auditeurs ignorent d'ailleurs qu'il y a un dépôt légal en matière de disques phonographiques. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique de ce dépôt légal, la date de sa création et puis son fonctionnement? La France peut s'honorer d'être le seul pays au monde à avoir prévu l'avenir des œuvres phonographiques comme élément de culture et de l'avoir prévu relativement tôt par rapport aux autres nations qui n'ont encore cette idée qu'à l'état de projet. C'est en effet une loi du 19 mai 1925 qui, en modifiant le régime du dépôt légal, a introduit l'obligation de déposer les œuvres phonographiques. Malheureusement, la réalisation de cette prescription légale se heurtait à maintes difficultés et, faute de local, faute de doctrine en ce domaine, il a fallu attendre le 8 avril 1938 pour que M. Jeanzet, ministre de l'Éducation nationale de l'époque, signe un décret créant la Phonothèque nationale en vue de recueillir les œuvres phonographiques dont le dépôt légal était obligatoire. Il était obligatoire, ce dépôt légal, mais était-il effectif? Eh bien, en 38, disons ce qui était, n'est-ce pas, on a créé cette phonothèque, on lui a donné une pièce dans les locaux appartenant au musée de la parole de l'Université de Paris, mais il a fallu construire des casiers pour recevoir les disques, il a fallu faire la prospection des éditeurs, il a fallu organiser, en un mot, la phonothèque nationale, et ceci s'est fait assez lentement, faute de crédit au départ, si bien que on peut considérer que le début de la phonothèque nationale, c'est le 1er janvier 1940. C'est en effet au mois de janvier 1940 que le ministère a versé la première subvention à la phonothèque nationale, et c'est le 25 janvier 1940 qu'un éditeur a effectué le premier dépôt légal de disques à la phonothèque nationale. Je suppose que vous avez dû vous battre un petit peu pour obtenir le respect du dépôt légal. Eh bien, depuis 10 ans que je suis dans cette maison, je dois dire que les choses ont beaucoup évolué. De 1940 à 1945, c'était la période de guerre. Vous savez dans quelles conditions travaillaient les éditeurs de disques, qui mettaient à la casse une quantité de vieux stocks pour récupérer la pâte. Et ça ne donnait pas un excellent résultat. Il y avait un marché du disque vraiment tout à fait en sommeil. En 1945, mon prédécesseur s'est efforcé de donner un certain mouvement, un certain dynamisme au dépôt légal, mais l'apparition en 1951 des premiers micro-sillons a freiné l'essor du dépôt légal. Les éditeurs ont considéré qu'à partir du moment où on réalisait un support plus onéreux parce qu'il contenait plus d'enregistrements et qu'il fallait payer plus de droits d'auteur, plus de droits d'interprétation, et qu'en plus on ajoutait à ce support une pochette illustrée qui quelquefois revenait aussi cher que le disque lui-même, la matière du disque, les éditeurs ont considéré que ce dépôt légal grevait leur budget. Et ils ont tout fait pour ralentir un peu le rythme du dépôt, pour diminuer le nombre d'exemplaires, de ne donner qu'un exemplaire au lieu de deux. Et en 1954, lorsque je suis arrivé dans cette maison, eh bien, il y avait des régimes très disparates. Il y avait des maisons qui ne déposaient qu'une fois par an, et pas toujours la totalité de leur production. Certaines déposaient en 2 exemplaires, d'autres déposaient en 1 seul exemplaire, d'autres faisaient un choix, donnaient 2 exemplaires de certaines séries, mais 1 seul exemplaire d'autres. Il a fallu remettre tout ça en ordre, et on s'est aperçu à ce moment-là que le décret créant la Phonothèque nationale et l'habilitant à recevoir le dépôt légal présentait des lacunes, ce qui nous a amené à demander dès 1955 un décret de renfort, si vous voulez, pour les attributions de la phonothèque. Et après de longues tractations qui ont été un peu moins longues quand même que la période qui a précédé la création de la phonothèque nationale à la suite de la loi du 19 mai 1925, nous avons obtenu le 1er août 1963 un décret absolument catégorique sur le dépôt légal des œuvres phonographiques qui précise les obligations des éditeurs, qui précise les conditions dans lesquelles doit être fait le dépôt, c'est-à-dire avant même sa diffusion, sitôt sa réalisation et avant qu'il soit réparti chez les disquaires. Et maintenant, nous avons une nette amélioration. Il faut dire que depuis quelques années, tous les éditeurs, malgré tout, s'étaient ralliés à notre point de vue et respectaient, on peut dire, d'une façon satisfaisante le dépôt légal. Mais ce nouveau décret a eu un avantage pour les éditeurs eux-mêmes, c'est que, en leur précisant leurs devoirs, il leur a accordé la franchise postale pour leur dépôt. Vous pouvez donc affirmer maintenant que la totalité des éditions, même les plus confidentielles, sont versées à la Phonothèque nationale. Même les disques publicitaires, par exemple. Même les disques publicitaires, qui arrivent en très grande quantité, quelquefois accompagnés de brochures, quelquefois accompagnés d'une présentation assez amusante. Et nous avons également, vous disiez les disques confidentiels, bien nous avons également des disques confidentiels distribués par voie de souscription. Et également des disques qui ne sont pas à mettre devant toutes les oreilles. Exactement. Je suppose que le dépôt légal n'est pas le seul rôle de la Phonothèque nationale. Non, bien sûr. La Phonothèque nationale a eu, depuis ses origines, à définir ses fonctions. C'est avant tout un établissement public qui appartient à l'État, donc à l'ensemble de la nation, donc à tous les citoyens, et qui, comme tel, est ouvert à tous les citoyens qui ont une recherche à faire dans le domaine phonographique. Cette recherche peut porter sur des éléments, disons, discographiques, quels ont été les enregistrements de publiés de musique de Rameau, par exemple, et ça nous amène à faire des recherches et des études, et maintenant nous avons entrepris de publier des discographies. Nous avons fait, à l'occasion de la mort de Poulain, qui était un ami de la Phonothèque nationale, une discographie complète de ses œuvres, et à la demande de Darius Millau, qui est président de la Société des Amis de la Phonothèque nationale, nous venons d'établir également une discographie complète des œuvres de Darius Millau. Nous continuerons sur cette lancée parce que, de plus en plus, nous avons besoin de ces éléments pour répondre aux questions que l'on nous pose. Voici un des aspects, si vous voulez, de recherche de la Phonothèque nationale. Mais nous sommes contentés pour l'instant d'examiner le rôle de la Phonothèque nationale vis-à-vis des éditions phonographiques commerciales. Et je suppose que la Phonothèque nationale a un autre rôle. Eh bien, vis-à-vis des éditions phonographiques commerciales, la Phonothèque les reçoit et elle les met à la disposition du public qui veut satisfaire une curiosité, qui veut entendre un document. Et notamment, nous travaillons beaucoup avec les membres de l'enseignement, avec les étudiants qui viennent chez nous chercher une documentation qu'ils ne peuvent pas trouver dans une bibliothèque. Est-ce que la Phonothèque nationale n'a pas ses propres éditions ? C'est le rêve du directeur de la Phonothèque nationale d'obtenir un jour des crédits qui permettraient d'éditer des enregistrements qui sont chez nous, qui sont très rares, qui sont anciens, et qui n'ont pas l'occasion d'être acquis par le grand public et qui ne sont pas non plus d'une grande rentabilité pour un éditeur commercial. Il faudrait donc considérer que nous pouvons faire œuvre culturelle en publiant des documents que nous détenons. Malheureusement, si nous faisons œuvre culturelle, nous avons dans ce domaine un rôle financier à jouer, un rôle de mécène, un peu comme la radio lorsqu'elle commande des œuvres, et nous n'avons pas les crédits suffisants pour le faire. Mais peut-être un jour concevra-t-on que la chose devient possible, et à ce moment-là, la Phonothèque nationale pourra se diffuser sous forme d'édition de documents rares. Mais à côté de la Phonothèque nationale, il existe bien un musée de la parole. Il existe un musée de la parole qui est un peu particulier en deux sens. Le premier sens, c'est que ce musée de la parole a été créé sous le nom d'Archives de la parole en 1911, auprès de l'Université de Paris et plus précisément auprès de la chaire de phonétique de l'Université de Paris. Il a été créé grâce à la générosité des frères Pathé et qui ont offert à l'université le matériel et les techniciens pour réaliser les enregistrements linguistiques qui serviraient à illustrer les cours de phonétique. Par la suite, sous l'impulsion de ses directeurs, Ferdinand Bruno d'abord et le fondateur et le plus grand de ses directeurs, les Archives de la parole ont recueilli, sous forme de mission, d'enquête sur le terrain, dirions-nous aujourd'hui, les langages et dialectes d'un certain nombre de provinces françaises. Par la suite, Hubert Pernaud a étendu sa recherche à l'Europe, la Tchécoslovaquie, la Grèce notamment, la Roumanie aussi, et en marge de ces enquêtes, les Archives de la parole ont cherché à recueillir ce qui, étant considéré comme voix célèbre ou voix intéressante, pouvait enrichir le fond de linguistique. C'est ainsi que on a enregistré des acteurs célèbres, des poètes disant leurs œuvres, avec comme chef de file Guillaume Apollinaire. Et cette collection de langage, cette collection de paroles, cette collection de voix a constitué le musée de la parole qui, en 1928, a été installé rue des Bernardins sous cette dénomination dans un immeuble prêté par la ville de Paris. D'ailleurs, il faut remarquer, lorsqu'on se présente chez vous à la Phonothèque nationale, 19 rue des Bernardins, que nous entrons dans une maison qui s'appelle l'Institut de phonétique. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec les professeurs de cet institut? Nous avons toujours travaillé en collaboration avec les professeurs de cet institut et depuis un an, nous avons augmenté, renforcé nos liens avec cet institut lui-même. L'an dernier, nous avons eu un changement de directeur à l'Institut de phonétique et le nouveau directeur a cherché à resserrer les liens avec la Phonothèque nationale. Grâce à cette collaboration, le musée de la parole, qui était fermé depuis 1953, a été réouvert. Il a été rattaché administrativement à la Phonothèque nationale, c'est-à-dire que c'est le personnel de la Phonothèque qui utilise ces documents pour les recherches qui nous sont demandées. C'est la Phonothèque nationale qui va le remettre en service sur ses propres deniers, puisque ce musée n'avait pas d'existence propre, n'avait pas d'autonomie financière, n'avait pas de budget. Il relevait uniquement du budget de l'Institut de phonétique, qui ne pouvait plus faire face aux dépenses de la recherche phonographique. Et dans ces conditions, nous pouvons dire qu'une symbiose s'est réalisée entre le Musée de la Parole et la Phonothèque nationale, dont j'assume la direction conjointe. Au point de vue historique, quel est le document le plus ancien, la voix la plus ancienne? Ce sont les discours d'inauguration des Archives de la Parole en juin 1911. Parce que les frères Pathé, au moment où on a mis en service le matériel, ont enregistré le discours du ministre de l'Instruction publique. À l'époque, c'était l'Instruction publique. Le ministre du vice-recteur de l'Université de Paris et le discours de M. Ferdinand Bruneau, qui devenait directeur de ces Archives de la Parole. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, messieurs, la création d'appareils qui enregistrent et reproduisent la voix humaine complète une série d'inventions qui a commencé le jour où l'homme a imaginé de dessiner un premier symbole pour représenter sa pensée. Après l'écriture, après l'imprimerie, il restait encore un progrès essentiel à faire, car ni l'une ni l'autre ne fixe ni ne transmet la parole dans son intégrité absolue. En effet, si cette parole, par fonction, est une image de la pensée, par essence et par nature, elle est un assemblage de sons et de bruits. Or, ces sons et ces bruits ont un rôle tel. Ils contribuent tant à donner aux langues leur caractère. Ils servent si bien à charmer, à persuader, à instruire, que l'effet de la scène la plus pathétique, du discours le plus éloquent, de la leçon la plus nette, est diminué, parfois détruit, quand on n'a pas pu les écouter. Que serait-ce, écrivait Eschine, à des disciples qu'enthousiasmait la lecture d'une harangue de Démosthène? Que serait-ce si vous entendiez hurler la bête elle-même? Sans doute, notre imagination nous donne quelques illusions passagères. Souvent, aux heures de recueillement solitaire, où l'âme repliée sur elle-même revit les deuils ou bien les joies du passé, il semble qu'une voix éteinte s'éveille tout à coup comme un oiseau dans la nuit. Tout notre être alors se tend vers elle pour en écouter le chant lointain. La poésie des choses mortes enveloppe ses évocations incertaines. Mais combien ne voudrions pouvoir leur substituer une réalité et ranimer à notre commandement les voix des disparus dont nous conservons pieusement autour de nous les muettes images. L'étude des œuvres du passé donne à ceux qui sont épris de littérature et d'art les mêmes regrets. En nous y enfonçant de toute notre force d'analyse ou de toute notre puissance d'extase, nous arrivons à rendre aux roses et aux vers d'autrefois des rythmes et des harmonies dont nous jouissons quelque temps. et nous nous sentons bientôt troublés dans ce plaisir esthétique. D'abord par le sentiment, ensuite par la certitude qu'il y entre une part de mensonge. Puisque nous y mettons notre création personnelle, que nous refaisons à notre usage un texte qui ne s'est jamais prononcé, jamais débité tel que nous le disons. Quelques progrès aient fait l'histoire de la prononciation et de la langue, quelques inspirations que l'instinct puisse ajouter à nos connaissances positives, il est impossible à qui que ce soit de restituer un vers authentique de racine. La vérité psychologique, la beauté expressive nous en demeurent accessibles, mais des sonorités et du nombre qui en faisaient le charme, nous n'aurons jamais qu'une connaissance tout à fait approximative. Une part de leur beauté est ainsi effacée et abolie à jamais. Je crois utile de signaler que l'enregistrement que vous avez entendu date du 3 juin 1911, qu'il s'agissait d'un disque à saphir, lui-même enregistré d'après le cylindre original. Et maintenant, M. Descolognes nous parle d'autres pièces célèbres de sa collection. Dans les collections que nous avons pu acquérir par la suite, la voix la plus ancienne serait celle de Léon XIII, d'après nos connaissances, mais c'est un enregistrement très mauvais qu'on utilise rarement. Et quelle est la voix très ancienne et qui n'est pas mauvaise? Dès les années 1900, nous avons eu en disque aiguille, sous la marque Gramophone, des enregistrements qui sont très valables. Et je pense notamment à Marie Garden, dont l'enregistrement est assez bon. Je pense à Emma Calvé, qui a enregistré la Habanera de Carmen. C'est une perfection d'enregistrement pour l'époque. Encore aujourd'hui, lorsqu'on entend cet enregistrement, on ne peut pas supposer qu'il a été réalisé dans les premières années du siècle. Par contre, à la même date, nous avons des enregistrements de Sarah Bernard qui, eux, sont très mauvais. Nous avons aussi, toujours dans le début du siècle, des voix célèbres comme Tolstoï. Ma vision n'est pas une croyance établie une fois pour toutes, une croyance au phénomène surnaturel qui, soi-disant, se produisit autrefois, ni la croyance à la nécessité de certaines prières et de certains rites. Elle n'est pas non plus, comme le pensent les savants, le reste des superstitions et de l'ignorance antique qu'il n'y ait dans notre temps d'aucune nécessité d'adapter dans la vie. La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu. Rapport établi en accord avec la raison et la science contemporaine et qui seul pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est assigné. L'âme humaine, c'est la langue de Dieu, dit une sage expression hébraïque. L'homme est un animal faible, misérable, tant que dans son âme ne brûle pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, et ne s'enflamme que dans l'âme éclairée par la vision, l'on devient l'être le plus puissant au monde. Il n'en peut être autrement, parce qu'alors ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu. Voilà ce qu'est la religion et en quoi consiste son essence. Malgré l'état de vieillissement de ce document, j'espère que vous avez pu constater que Tolstoï s'exprimait en français, et peut-être avez-vous compris qu'il philosophait sur la religion. Eh bien, après ce document assez émouvant, nous allons maintenant considérer un autre aspect de la Phonothèque nationale, c'est le musée historique du phonographe. Mon prédécesseur avait, dans une petite salle, organisé une rétrospective du phonographe, principalement grâce à des dons faits au musée de la parole par les établissements Pathé. Lorsque la Phonothèque nationale et le musée de la parole se sont scindés en 1953, il restait en tout et pour tout à la Phonothèque nationale 13 appareils. 13 appareils d'ailleurs divers, allant de l'orgue de Barbarie jusqu'à des modèles d'enregistreurs de mission à système magnétique. J'ai voulu mettre en valeur ces 13 appareils et constituer un embryon de musée du phonographe. Et cette tâche a été tellement passionnante, les amis de la phonothèque s'y sont intéressés avec tant d'ardeur, qu'en quelques années, nous avons pu étoffer nos collections. Vous n'en voyez qu'une partie parce que notre galerie est devenue trop petite. Nous avons une réserve très importante et nous comptons aujourd'hui, avec le fonds récupéré d'ailleurs du musée de la parole, plus de 200 appareils. Et c'est le caractère pris par la présentation même que nous avons donné à tous ces matériels qui nous a fait baptiser cette collection Musée historique du phonographe. Pourquoi musée historique ? Eh bien, parce que toute histoire a sa préhistoire et le phonographe ne peut pas échapper à cette règle. Vous avez vu différentes boîtes à musique remontant à la Serinette des Vosges du XVIIIe siècle. C'est la préhistoire du phonographe. On a commencé à reproduire la musique avant de pouvoir reproduire la parole. Et vous serez frappé en regardant le parallélisme entre les différents modèles de boîtes à musique et les différents modèles des premiers phonographes. Eh bien, nous allons nous rendre dans cette galerie et admirer vos pièces de musée. Nous nous trouvons maintenant dans le musée historique du phonographe qui est installé au rez-de-chaussée de la Phonothèque nationale, 19 rue des Bernardins. Je conseille vivement aux personnes qui sont intéressées par l'histoire de la machine parlante, l'histoire de ce miracle permanent qu'est le phonographe et qui est entré vraiment dans notre vie quotidienne, de se rendre à ce musée comme nous l'avons fait nous-mêmes. C'est le moment, Monsieur de Cologne, de retracer l'histoire du phonographe. Pièce en main. Eh bien, pièce en main, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, les anciennes boîtes à musique ont ceci de particulier que, comparées au premier phonographe, elles présentent trois types de supports, le cylindre, la bande, le disque. Vous voyez ici une serinette du XVIIIe siècle qui comporte un cylindre pointé, c'est-à-dire un cylindre de bois qui présente à sa surface des petits piquants et qui soulève des petits clapets permettant à l'air de s'échapper dans des tuyaux de plomb analogues aux tuyaux d'orgue. Et cet appareil est en état de marche. Cet appareil est en état de marche. J'en ai un autre en réfection qui a une histoire intéressante. Il a été donné à la Phonothèque nationale assez récemment par le descendant de D'Artagnan. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est un appareil qui a été dans la famille D'Artagnan jusqu'à nos jours. Et nous pouvons l'entendre, celui-ci ? Il est en cours de réfection, mais je vais vous faire entendre cette serinette que vous voyez là. Thank you. Savez-vous pourquoi on appelait cet appareil Serinette? Parce que il était destiné à apprendre au serin des airs à la mode. Vous avez pu voir récemment une grande publicité faite en l'honneur de disques destinés à apprendre à chanter aux oiseaux. Et d'ailleurs... Eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici plus de 2 siècles qu'on utilisait déjà cette méthode. Et d'ailleurs, j'ai vu une de vos publicités historiques. Oui, c'est une publicité Pathé de 1898, où l'on montre une jeune fille en robe à tournure, plaçant devant la cage de son serin un phonographe à cylindre pour lui apprendre justement une rengaine de l'époque. Et je vais lire la légende de cette publicité. Avec le phonographe Pathé, j'apprends tous les airs de musique à mes jolis petits serins, ce qu'ils sont joyeux. Eh bien, nous allons revenir aux choses sérieuses, à l'histoire. Ces cylindres pointés de la serinette ont été conservés jusqu'au début du XIXe siècle dans les boîtes à musique des horlogers suisses. Vous voyez à côté une bande montée sur un petit orgue de Barbarie. Cette bande comporte, elle, des perforations. C'est l'inverse, si vous voulez, du cylindre pointé. La bande est perforée et ce sont les dents du peigne qui, elles, sont mobiles. Puis, vous voyez l'apparition d'un orgue à disque, perforé également. On a transféré ce qui était en bande sur un disque et ça ressemble déjà beaucoup à nos disques de phonographe. Et c'est bien que ce soit légèrement antérieur à l'apparition des premiers disques. Je dois dire que c'est un appareil assez curieux, qui ressemble effectivement à un phonographe, mais le disque est perforé. Et je pense qu'il serait intéressant d'entendre une démonstration. Oui, mais rien n'est plus facile. Et de ce disque de carton, qui est adapté sur l'ariston, on passe au disque de métal, toujours perforé, et qui alimente une boîte à musique, non plus un orgue, mais une boîte à lame vibrante, et dont la musique est très jolie, vous allez l'entendre. Voici donc en parallèle, comme je vous le disais tout à l'heure, les premiers phonographes. Le cylindre cannelé inventé par Edison, recouvert d'une feuille d'étain, et devant cette feuille d'étain, un stylet monté sur un cornet de téléphone, puisque ce sont les recherches sur le téléphone qui ont amené Edison à concevoir son premier appareil, alors que nous n'avons aucune trace, malheureusement, d'un appareil qu'aurait bricolé, disons-le, Charles Cros, pour mettre en application les principes qu'il avait décrits dans son pli cacheté adressé à l'Académie des sciences en 1877. À propos de Charles Cros, je crois qu'il faudrait faire une petite mise au point historique quant à la paternité du phonographe. Eh bien, ici, nous avons pris position, voyez-vous. Nous avons dit que le précurseur du phonographe, c'était Léon Scott de Martinville, qui avait créé un phonotographe permettant d'enregistrer sur un cylindre enduit de noir de fumée les vibrations de la parole à travers une membrane munie d'un style. C'est le principe que vous retrouvez sur ce phonographe d'Edison. Ensuite, le 16 avril 1877, Charles Cros, qui était un inventeur de génie, qui avait déjà inventé un procédé pour la photographie en couleur, Charles Cros a dit « On pourrait enregistrer la parole dans une matière qui subirait une impression, et en restituant cette impression à un système d'amplification, en quelque sorte, on reproduirait la parole. Malheureusement, il n'avait pas les moyens de faire réaliser par un ingénieur ce matériel. Il s'était adressé à Breguet, qui lui avait demandé 3000 francs or de l'époque. Or, Charles Cros, comme vous savez, n'avait qu'un modeste emploi de professeur, même professeur adjoint, un peu, dirait-on aujourd'hui, et il était incapable d'amasser une telle somme. Il avait donc conçu, disent certains témoins, avec une boîte à cigares et quelques accessoires, un appareil qui permettait d'enregistrer un seul mot, et l'histoire raconte que lorsque ses amis venaient, ils disaient « Dites un mot sonore, bien senti !» Et la plupart du temps, c'était le mot de Cambronne. En tout cas, la date du pliquage T authentifie la paternité de Charles Cros en matière de phonographe. Oui, parce que ça n'est qu'à la fin de l'année 1877 qu'Edison a mis au point le premier phonographe. D'ailleurs, une anecdote est à citer ici encore, le terme de phonographe, qui en a été l'auteur le premier. Les contemporains de Charles Cros disent qu'il avait l'intention d'appeler son appareil le paléophone, c'est-à-dire la voix du passé. Mais dans un périodique qui se trouve à la Bibliothèque nationale, nous avons trouvé un article dans lequel un abbé qui faisait des recherches sur la linguistique dit « J'ai entendu parler de la découverte de Charles Cros, et moi, si je devais donner un nom à cet appareil, je l'appellerais le phonographe. » C'est-à-dire l'écriture de la voix. Et il se trouve que cet article est antérieur au dépôt des brevets d'Edison. Edison a-t-il eu connaissance de ce papier? Est-ce ce papier qui lui a fait donner le nom? Est-ce une rencontre d'idées entre deux continents à une même époque? Sur ce point, nous manquons totalement d'informations. Eh bien, nous allons maintenant poursuivre notre visite. Passons de la feuille d'étain que je vous montrais tout à l'heure. Au stade suivant, vous vous apercevez que nous voyons ici un cylindre de cire vierge, de cire très claire. Ce sont les premiers cylindres. C'était de la cire pratiquement pure. Et sur ces cylindres, on avait un gros avantage, c'est qu'on pouvait s'enregistrer soi-même et s'écouter tout de suite après, comme on peut le faire aujourd'hui avec un magnétophone. Ces cylindres étaient gravés à la pièce. Et lorsque, dans les usines Pathé, on voulait produire le cylindre d'une vedette, on lui demandait de chanter le même air sans arrêt pendant toute une journée. Enfin, on arrivait à produire dans une journée pour un seul chanteur environ 50 cylindres. Ensuite, nous avons ici différents modèles de cylindres de différentes marques, et ces cylindres ont été moulés. On faisait une matrice et ça permettait de reproduire en grande quantité. Dans ce domaine, il faut aussi citer un Français qui est aujourd'hui totalement méconnu. C'est Henri Lioret, sorti major d'une promotion de l'école horlogère de Besançon, qui a construit les premiers phonographes français, qui a inventé le micro-sillon avant la lettre et qui a inventé aussi le support incassable, nous dirions aujourd'hui en matière plastique, à l'époque c'était du celluloïde. Il a fait les premiers cylindres moulés, ils sont très robustes parce qu'ils comportent une couche de celluloïde, moulés sur un manchon de laiton. Si bien que le métal donnait à la matière plastique une résistance à toute épreuve. Et ceci est gravé avec un style très fin ça se lit avec une pointe très fine, tout à fait comparable au saphir et diamant qu'on met sur les électrophones d'aujourd'hui. Je crois que vous avez bien fait de consacrer une vitrine entière à ce pionnier. C'était vraiment un pionnier. Malheureusement, il était en avance sur son temps. Il faut attendre près de 20 ans après ceci pour qu'Edison lance les cylindres en bérole incassables, également en matière plastique, en alliage de celluloïde. Et quelle est cette petite machine très compliquée ? Eh bien, cette machine qui attire votre attention en ce moment, c'est une pendule parlante. Vous me direz, qu'est-ce que fait une pendule au milieu des phonographes ? Eh bien, le fait qu'elle soit parlante nous montre qu'elle doit justement s'intercaler. Dans notre musée, entre les phonographes à cylindre et les phonographes à disque, parce qu'elle comporte une bande de celluloïdes tout à fait analogue au film cinématographique de 35 mm avec des perforations latérales. Mais au lieu d'avoir sur ce support de celluloïdes des images, comme dans un film, nous avons des sillons gravés en profondeur et qui sont lus au moyen de cette tête à saphir que vous voyez derrière et qui annonce l'heure, le quart, la demi, les trois quarts. Et quelle est la date de cette petite merveille ? Eh bien, d'après un ouvrage de référence savant, nous avons pu constater qu'elle portait comme date de référence 1900. Et dans cet ouvrage, où elle est d'ailleurs photographiée, on explique que la bande sonore serait l'ancêtre du cinéma parlant, ce que je trouve un peu une hérésie, parce que c'est plutôt l'ancêtre de la bande TEFI qui a fait son apparition en France lors de la dernière guerre que l'ancêtre d'une bande cinématographique. Nous voyons maintenant des phonographes qui ressemblent fort aux phonographes de nos grands-mères. Oui, nous passons maintenant dans le domaine des gramophones. Des gramophones. Les gramophones, on avait le soin en ce temps-là d'éviter les confusions, graphophones et phonographes étant réservés aux appareils à cylindre, Berliner a appelé son appareil gramophone pour éviter toute confusion. Voici un des premiers gramophones à moteur mécanique. C'est un modèle qui a précédé de peu celui que le peintre Barreau a peint devant un chien pour donner ce symbole, la voix de son maître. Vous voyez également un des premiers phonographes à disque français, le Pathé Jeunesse, qui lui est un phonographe à saphir. Les frères Pathé, en effet, n'avaient confiance que dans le mode de gravure en profondeur, et lorsque le disque a commencé à envahir le marché français, ils se sont trouvés en concurrence avec la maison gramophone. En concurrence d'ailleurs assez particulière puisqu'ils sont devenus très rapidement les dépositaires de gramophones, mais eux, ils ont fabriqué des disques à saphir et dans nombre de familles françaises aujourd'hui restent encore des collections de disques à saphir. Elles entrent progressivement à la phonothèque nationale selon le bon vouloir de leurs détenteurs et tous ceux qui ont eu l'occasion de venir ici séduits par le travail que nous faisons dans un intérêt général, ont tendance maintenant à venir enrichir nos collections en nous les proposant. Je vois dans la vitrine suivante une collection de petits appareils. Eh bien, nous avons voulu condenser en une présentation unique la recherche de l'homme vers l'infiniment petit. Et ceci nous amène à parler des appareils à transistor d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez fleurir des petits postes de radio, des petits électrophones autonomes, parce qu'on veut se déplacer avec ces moyens de distraction. Eh bien, ça n'est pas nouveau, puisque dans les années 1920, les constructeurs d'appareils se sont ingéniés à créer des tout petits modèles repliables, à plateau même repliables également, à pavillon repliable, enfin tout ça en imbriqué l'un dans l'autre arrive à donner une miniaturisation du phonographe et Je crois que le plus petit, c'est celui-ci, le Mikifone, que vous avez devant vous, à la fois en modèle ouvert et en modèle fermé. Il suffit maintenant de se retourner pour voir, pour admirer les géants avec des pavillons monstrueux. Oui, ce sont des appareils, disons, de salles de concert, de salles de café. C'était destiné à faire danser la jeunesse le dimanche. Et il fallait que de ces pavillons énormes sorte un son tonitruant pour couvrir les bruits de la foule. Et par contre, je vois là-bas un pavillon enchâssé dans un meuble. Je pense que c'est l'électrophone de grand luxe pour salon. Oui, ça c'est un modèle de salon très recherché. Enfin, il y a beaucoup plus d'ébénisterie que de mécanique. Je constate que vous connaissez parfaitement l'histoire du phonographe. Et je voudrais savoir quelles sont les sources qui sont à notre disposition pour connaître bien cette histoire. Bien, les sources sont actuellement encore assez rares. Il existe peu d'ouvrages techniques sur la question. Les quelques ouvrages à aspect historique sont tous très incomplets. La seule source valable réside dans les anciens catalogues. Chaque fois que nous pouvons trouver des catalogues anciens de disques ou de phonographes, nous les accueillons avec beaucoup de joie parce qu'ils nous permettent de fixer la date des appareils, de définir le modèle. Vous voyez que d'un phonographe à l'autre, il y a quelquefois une petite variante, et cette petite variante, justement, au fil des ans, nous permet de dire ce modèle est antérieur à l'autre d'un an ou de deux, et c'est ce modèle qui a été modifié pour donner tel autre résultat. Et malheureusement, dans ce domaine, nous ne sommes pas encore capables de fixer la date de tous les appareils que nous avons ici. Nous en avons déjà authentifié plusieurs, mais il nous manque encore beaucoup de documents. Et je crois qu'il faut aussi, si vous voulez, pour clore cette visite, énumérer un peu les ancêtres que nous avons ici. Nous avons l'ancêtre du jukebox, qui date de 1895. Nous avons l'ancêtre de la carte postale sonore, qui date de 1905. Nous avons un ancêtre de la stéréophonie, ce phonographe à deux têtes de lecture et deux pavillons pour un seul disque, et cette double lecture avec un léger décalage produisait un relief sonore tout à fait curieux, et ça remonte tout de même aux années 1910. Et cette table ? Et cette table qui est un guéridon de café sur lequel on verrait très bien nos ancêtres en train de déguster leur absinthe, cette table comporte 12 airs gravés sur des cylindres cachés à l'intérieur du guéridon avec tout le mécanisme. Elle fonctionne avec une pièce de 10 centimes et elle comporte 4 sorties d'écoute pour 4 buveurs. Eh bien, monsieur Descolonnes, il faut vous remercier d'avoir tracé l'histoire du phonographe qui constitue à notre époque un miracle permanent. Notre visite à la Phonothèque nationale est donc terminée, mais nous n'allons pas la quitter totalement, car nous allons pouvoir illustrer cette visite grâce à quelques documents que M. Roger Descolonnes a bien voulu nous confier. Par exemple, à titre de curiosité et un document pittoresque, voulez-vous écouter cet enregistrement de trompe de chasse réalisé par Berliner en 1895. Soixante ans après, un enregistrement réalisé lors d'une mission de la Phonothèque nationale par Louis Giraud en 1955 en Bolivie. Il s'agit de la danse des condors. Elle a été enregistrée très exactement à Cocorocoro. C'est une danse de caractère totémique. Les chants sont adressés aux condors, messagers ailés du soleil, bien que les chants et les danses soient en principe exécutés en l'honneur du Christ. Certains des Indiens ont la tête entièrement recouverte par les corps des condors desséchés, mais c'est une musique indienne, Aymara, tout à fait pure. Nous sommes habitués à notre époque aux grands enregistrements complets, soit des pièces de théâtre, soit des opéras. Mais je vous étonnerais sans doute si je vous disais qu'en 1913, il existait déjà un enregistrement intégral du Cid par la troupe de la Comédie-Française qui était composée de Paul Mounet, Falconier, Ravet, Alexandre, Jean Worms, Gerbault et de mesdames Madeleine Rock, L'Herbet et Yvonne Ducos. Je vous propose d'écouter quelques fragments de cet enregistrement à titre de curiosité, car je vous rappelle, il est de 1913 et je vous demande d'être indulgent pour la qualité technique. Je vous propose donc d'écouter quelques extraits de cet enregistrement complet du Cid. Et tout d'abord, la fameuse scène « Rodrigue, as-tu du cœur ?»« Rodrigue, as-tu du cœur ?» Autre que mon père, les pauvres sur l'heure. Incroyable colère, digne ressentiment, à ma douleur bien douce. Je reconnais mon sang à ce noble courroux, ma jeunesse revit dans cette ardeur qui plante. Tiens mon fils, tiens mon sang, tiens réparer ma honte, tiens me venger. De quoi? D'un affront si cruel qu'à l'honneur de ceux qui parlent en mortel. D'un souffleur, l'insolent ont eu perdu la vie. Mais mon âge a trompé ma généreuse envie, et ce père, que mon bras ne peut plus soutenir, je le remets au tien pour venger et punir. Ah, contre un arrogant, éprouvez ton courage, ce n'est que dans le sang qu'on lavote et l'outrage. Meurs ou tu ? Au surplus, pour ne te point flatter, je te donne à combattre un homme arrouté. Je l'ai vu, tout couvert de sang et de poussière, porté par tous les froids dont je suis armé entière. Oh non, c'est perdre sans ton propos superflu. Et pourtant, dit l'enfant quelque chose de plus, puisque brave soldat, puisque grand capitaine, c'est... De grâce, achevé. Le père de Chimène. Le réplique point, je connais mon amour. Le qui peut vivre un pavé, ça dit toujours. Plus l'offense est légère, et plus grande est l'offense. Enfin, si c'est la forme qui tient la vengeance, je ne te dis plus rien. Venge-moi. Venge-toi. Montre-toi digne fils d'un père tel que moi, accablé des douleurs d'où le destin me range. Je vais les déplorer, pas pour vol et nous venge. Voici les stances de Rodrigue. Percé jusque au fond du cœur, tu l'atteins imprévu aussi bien que mortel. Misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur. je demeure immobile. Et mon âme a battu ses eaux coups qui me tuent. Si près de voir mon feu récompensé, ah, Dieu, l'étrange peine, pour cet affront, mon père est l'offensé, et l'offense, le père de Chimène. La scène entre le comte et Rodrigue, à moi, compte deux mots. À moi, compte deux mots. Par ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diego? Oui. Parlons bas. Écoute. Sais-tu que ce vieillard eut la même vertu, la vaillance et l'honneur de son temps? Le sais-tu? Peut-être. Cette ardeur que dans les yeux je pense. Sais-tu que c'est son temps? Que ma foi! À quatre bras d'ici, je te le fais savoir. Jeune présomptueux! Parle sans émouvoir. Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. De mesurer à moi qui t'a rendu si vain, toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main. Mais pareil, t'as deux fois ne se font pas connaître. Et pour leur coup d'effet, veulent écouter. Sais-tu bien qui je suis? Oui, tous autres que moi. Au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'espoir. Les palmes dont je vois ta tête couverte semblent porter écrit le destin de ma perte. J'attaque au téméraire un bras toujours vainqueur. Mais j'aurai trop de force, ayant assez de cœur. À qui venge son père, il n'est rien d'impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. Et enfin, une scène entre Chimène et Rodrigue. Va, je ne te hais point. Tu le dois? Crains-tu si peu le blâme et si peu les gros bruits? Quand ton sort à mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture, force-les au silence et sans plus courir, sauve ta renommée en me faisant mourir. Elle éclate bien mieux en te laissant la vie, et je veux que la voix de la plus noire envie élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis. Sachant que je t'adore, et que je te vois. Va-t'en, ne montre plus à ma douleur extrême ce qu'il faut que je perde encore que je l'aime. Dans l'ombre de la nuit, cache bien ton départ. Si l'on doit sortir mon honneur pour hasard, la seule occasion qu'aura la médisance, c'est de savoir si j'ai souffert ta présence. Ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu. Que je meurs. Va-t'en. À quoi te résous-tu? Malgré les feux si beaux qui troublent ma colère, je ferai mon possible à bien venger mon père. Mais malgré la rigueur d'un si cruel devoir, mon unique souhait est de ne rien pouvoir. Oh, miracle d'amour! Oh, comble de misère! Que de mots et de fleurs nous coûteront nos pères. Rodrigue, il eût couru. Vous savez qu'en cette année 1964, la radiodiffusion télévision française fait une large part dans ses programmes à la célébration de l'anniversaire de la guerre 1914-1918. C'est pourquoi j'ai demandé à Roger de Cologne de vouloir bien rassembler quelques documents ayant trait à cette grande guerre. C'est ainsi que je vais pouvoir vous faire entendre quelques documents extrêmement rares, extrêmement intéressants, qui ont trait précisément à la conduite de la guerre. Voici tout d'abord un extrait de discours de René Viviani, qui était président du Conseil des ministres. Ce discours a été prononcé le 22 décembre 1914. Cette communication n'est pas la déclaration coutumière dans laquelle un gouvernement se présente pour la première fois devant le Parlement, précise sa politique. Il n'y a pour l'heure qu'une politique, de combattre sans merci jusqu'à la libération définitive de l'Europe, gagée par une paix pleinement victorieuse. C'est le cri qui s'est échappé de toutes les poitrines, lorsque, dans la séance du 4 août, s'est levé, comme l'a si bien dit M. le Président de la République, l'Union sacrée, qui à travers l'histoire a l'honneur du pays. C'est le cri que répètent tous les Français après avoir fait disparaître les désaccords où nous nous sommes si souvent acharnés et qu'un ennemi aveugle avait pris pour des divisions irrémédiables. C'est le cri du célèbre étranger de l'orgueil. La France a gelé toute sa jeunesse et toute sa vie. Un autre discours de la même date, 22 décembre 1914, discours du président de la Chambre des députés, Paul Deschanel. Représentants de la France, élevons nos âmes vers les héros qui combattent pour elle. Depuis 5 mois, ils luttent pied à pied, offrant leur vie gaiement à la française pour tout sauver. Jamais la France ne fut plus grande. Jamais l'humanité ne monta plus haut. Soldats intrépides, joignant à leur naturelle bravoure le courage plus dur des longues patients. Chefs à la fois prudents et hardis, unis à leurs troupes par une mutuelle affection, et dont le sang-froid, l'esprit d'organisation et la maîtrise ramenaient nos couleurs en Alsace, triomphaient sur la Marne et tenaient dans les flancs. Maintes femmes, versant aux blessures leur tendresse, mères stoïques, enfants sublimes, martyrs de leur dévouement, et tout ce peuple, impassible sous la tempête, brûlant de la même foi, il faut jamais, en aucun temps, en aucun pays, une magnifique explosion de fierté. Raymond Poincaré, président de la République, le 14 juillet 1915. Une fois de plus, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples. Depuis de longues années, notre démocratie laborieuse se plaisait aux travaux de la paix. Elle ne cherchait qu'à entretenir, avec toutes les puissances, des relations courtoises. Elle aurait considéré comme un criminel ou comme un insensé tout homme qui aurait osé nourrir ses projets belliqueux. Malgré des provocations répétées, malgré les coups de théâtre de Tanger et d'Agadir, elle était restée volontairement silencieuse et impassible. Lorsque les premiers nuages s'étaient amoncelés sur les Balkans, elle avait tout fait pour conjurer l'orage menaçant. C'était elle qui, la première, avait cherché à organiser et à maintenir le concert européen. Lorsqu'en dépit de ses efforts inlassables, la guerre avait éclaté en Orient, elle avait tâché de localiser et d'éteindre l'incendie qui s'était déclaré. Lorsqu'enfin le calme s'était rétabli, elle s'était aussitôt prêtée à de nouvelles négociations pour étouffer entre elle et l'Allemagne les dernières causes latentes de difficultés et de conflits. Et c'est au lendemain du jour où venait d'être signé un accord franco-allemand qui réglait à la satisfaction des deux pays les questions orientales. C'est à un moment où l'Europe rassurée commençait à reprendre haleine qu'un coup de tonnerre imprévu a fait trembler les colonnes du monde. Gaston Doumergue, président du Conseil des ministres, le 5 septembre 1916. Messieurs, la guerre, que l'insatiable esprit de conquête et les traînés désirs de domination universelle d'un gouvernement de proie, dépourvu de conscience et de scrupules, ont déchaîné sur le monde après l'avoir imposé à la France qui, elle, n'était affamée que de justice et ne rêvait que de paix. La guerre n'a pas fait que semer de ruines effroyables quelques-unes des plus belles et des plus riches régions de notre pays. Elle n'a pas fait que faucher dans leur ardente jeunesse ou leur vigoureuse maturité un nombre, hélas, considérable de ses enfants. Elle, en même temps que ses malheurs, suscité chez nous des prodiges de toute nature. Elle a fait surgir des profondeurs où elle paraissait endormie, où certains les idées éteintes, où nos ennemis les croyaient à jamais mortes, les qualités et les vertus les plus nobles de notre race, toutes celles, nos époques les plus critiques et les plus angoissantes de notre histoire. Alors, que l'existence même de la patrie semblait irrémédiablement compromise, ont su chaque fois réaliser le miracle d'assurer son salut, d'augmenter ses trésors de gloire et de répandre plus largement son rayonnement dans le monde, en même temps que le sentiment de sa force accrue et de son génie plus anobli. Paul Deschanel encore, un discours prononcé à l'Institut le 25 octobre 1916. Les Germains nous ont envahis plus de 20 fois. 20 fois depuis la Révolution. De là, pour nous, le devoir essentiel, commandement de la patrie. Rester unis, mieux connaître l'Allemagne, faire mieux connaître la France, ne plus oublier, prévoir. Écoutons la voix des tranchées et des tombes. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Jamais la famille française n'a été épousée. Les Français suivaient des chemins différents. Ils se sont rejoints au sommet. Même dévouement, même idéal. Les héros qui affrontent la mort savent qu'avant de s'éteindre, leur vie flamme brève, en allume une autre mortelle. Et l'ennemi ne comprend pas que ce qui nous déchirait est ce qui nous unit, la passion du droit. Et enfin, un discours d'Alexandre Ribot, président du Conseil des ministres, sur l'entrée en guerre des États-Unis, en un discours prononcé en avril 1917 et dont la qualité technique est assez mauvaise, je vous prie d'être indulgent. L'admirable message du président Wilson. Nous avons tous le sentiment que quelque chose de grand et qui dépasse les proportions d'un événement politique vient de s'accomplir. C'est un fait historique d'une importance sans égale. De l'entrée en guerre avec nous et nos alliés de la démocratie la plus pacifique qu'il y ait au monde. Après avoir tout fait pour affirmer son attachement à la paix, la grande nation américaine déclare solennellement qu'elle ne peut rester neutre dans cet immense conflit entre le droit et la violence, entre la civilisation et la barbarie. Elle considère qu'il est de son honneur d'enlever les défis portés à toutes les règles du droit international si laborieusement édifié par l'effort commun des nations civilisées. Elle déclare en même temps qu'elle ne combattra pas pour des intérêts. Elle ne veut ni conquête ni compensation. Elle entend seulement aider à la victoire de la cause du droit et de la liberté. Vous avez donc pu entendre en raccourci quelques discours d'hommes politiques français prononcés entre 1914 et 1917 et ayant trait à la guerre. Et je remercie encore M. Roger Descologne d'avoir bien voulu nous confier ces documents. Notre émission est donc terminée. Nous avons quitté M. Roger Descologne ainsi que la Phonothèque nationale. C'était Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Cette émission a été diffusée la première fois le 21 juillet 1964 sur France Culture. À suivre, vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.